c'est moi qu'on a recommandé pour vous remettre le courrier. Mon cher monsieur, j'ai une facture, c'est le crédit de la voiture. Ma chère madame, c'est la redoute pour vous faire un coucou. Alors il y a les factures, autrement la pub, et puis des filiales, autrement un tas de conneries, tout comme ça, de toute façon. Ah, les calendriers de pub, tu les distribues partout, quoi. Non, il n'y a que ceux qui les demandent. J'en veux bien, hein, moi, c'est moyen. Oh, bah écoute, hein, par contre, c'est 15 euros minimum. Ah, c'est pas donné. Car moi, je suis votre facteur, qui trie les lettres de bonheur. C'est moi qu'on a recommandé pour vous remettre le courrier. Bonjour monsieur le facteur. Bonjour madame le sage. On est qui votre temps? Ah dame, vous savez, on est pour rigolo, madame, on est pas obligé de faire avec. Car je suis votre facteur, qui trie les lettres de bonheur. C'est moi qu'on a recommandé pour vous remettre le courrier. Et sinon, le CD de Carla Bruni avec les casseroles en première partie. Ouais, j'ai reçu. J'imagine bien que le facteur, il va laisser ce son-là. Qu'est-ce que tu voulais ça, toi? C'est une catastrophe, ce machin. Car moi, je suis votre facteur qui trie les lettres de bonheur. C'est moi qu'on a recommandé pour vous remettre le courrier. Des petits ragots, allez. Mais paraît que le père Rondeau est plus avec la mère de la haie. Ouais, ça c'est qu'il fallait que d'or est passé par là encore. Oh. C'est un sacré dégueulasse, hein. Ouais, ça, les bébés possibles. Car moi je suis votre facteur, qui trie les lettres de bonheur. C'est moi qu'on a recommandé pour vous remettre le...